Caprice de lecture sur Fadjet, animé par Sarah. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Caprice de lecture où aujourd'hui je reçois un invité alors assez unique parce que cet invité-là, une fois qu'on a lu son livre, on a envie de se dépasser, se surpasser mais aussi s'oublier dans l'effort à 1909 mètres d'altitude. Bonjour Arnaud Cael. Bonjour. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Dans cette émission. Merci beaucoup de me recevoir. Alors aujourd'hui, on va parler de ton livre qui s'appelle « Mont Ventoux ». Tout à fait, ouais. Édité aux éditions Anderson et préfacé par Bernard Thévenet. Oui. Alors ça, c'est aussi un gage de qualité. Voilà, Bernard Thévenet aussi. Double vainqueur du Tour de France. Voilà. Alors l'émission va se décomposer en... Alors il y a vraiment deux grandes parties. Une grande partie où il y aura à peu près 5 questions qui te sont totalement dédiées sur ton parcours alors de sportif, mais aussi sur ton parcours d'écrivain. Il y aura quelques coupures musicales et puis on termine toujours par ce qu'on appelle le caprice de la semaine. Donc un livre que tu as pu aimer ou quelque chose que tu as envie de nous faire partager et faire partager aux auditeurs. Très bien. Arnaud, est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt. Alors, on y va. Première question. Comment passe-t-on du vélo à la plume pour nous emmener à 1900 mètres d'altitude et en même temps, tu nous fais voyager alors, dans le temps, mais avec les grands noms du cyclisme. Comment tu as eu envie d'un coup de rapporter ton expérience et l'expérience de grand cycliste ? Alors, grand cycliste, c'est un grand mot pour moi, parce que je reste amateur et puis je roule pas tant que ça, finalement. Ouais. Mais je suis issu d'une famille, justement, de cyclistes de génération en génération. Mon grand-père était cycliste, mes parents sont cyclistes tous les deux, mes oncles, mes cousins. Donc vous avez ça dans l'ADN, voilà, quoi. On a ça un peu dans le sang. Et d'ailleurs, j'étais à peine né il y a une trentaine d'années que je faisais déjà toutes les courses du coin pour supporter mon père dans la voiture avec ma mère qui donnait le biberon le long des routes. C'est une vraie histoire. Voilà, c'est une vraie histoire familiale. Donc pour moi, parler du vélo en tous les cas, c'est assez logique finalement parce que voilà, je baigne dedans depuis tout petit, puis je regarde le Tour de France depuis que j'ai 8-9 ans, je m'en rappelle en tout cas. Et voilà, je suis un passionné de sport avant tout, donc le vélo c'était vraiment une thématique dont je voulais parler. Et en l'occurrence, le Mont Ventoux. Alors pourquoi le Mont Ventoux ? Parce que le Mont Ventoux me fascine en fait depuis tout petit aussi, c'est-à-dire que quand on part dans le sud en vacances, on allait souvent vers Montpellier, 7, on descendait par l'autoroute. Et sur le côté, on voit toujours ce Mont Ventoux. Alors, il m'intrigue. Et puis, mon père m'en parlait en me racontant que malheureusement, il y avait eu un coureur du Tour de France, Tom Simpson, en l'occurrence, en 1967, qui était décédé sur les pentes du Ventoux. Je me suis dit, mais c'est incroyable. Petit, je me disais, mais c'est incroyable qu'un cycliste puisse décéder sur les pentes d'une ascension. Quoi. Pour moi, ça me paraissait absolument impensable. Et en fait, je me suis tout doucement renseigné sur cette histoire. Et puis, cet endroit est mystique aussi parce qu'il y a vraiment... il est posé là comme une espèce de soucoupe volante au milieu de nulle part, parce qu'on est en Provence, donc il n'y a pas vraiment de sommet. Et puis, il y a ce côté forêt qui représente, on va dire, les trois quarts du Mont Ventoux. Et le haut est dégarni, c'est-à-dire que là, on est comme si on était sur la Lune. Donc, il y a aussi ce côté-là qui est assez mystique et on a envie d'en savoir toujours un petit peu plus. C'est très mystérieux. Et donc, voilà, je me suis intéressé au Ventoux comme ça. Et puis, depuis tout petit, il me possède quelque part, le Mont Ventoux. D'accord. Alors, on sent... que ça t'intéresse beaucoup, parce que le livre est vraiment basé là-dessus. Tu as été journaliste TV, je ne sais pas si tu l'es toujours. Oui, tout à fait, effectivement. Toujours ça fait une bonne dizaine d'années maintenant que je fais de la télévision. Et du coup, voilà, comment tu es et journaliste TV et écrivain ? Est-ce que tes deux expériences sont complémentaires ou complètement différentes ? Comment ça se passe ? C'est pas toujours évident à raconter, mais c'est depuis tout petit en tout cas, j'ai la passion de l'écriture, j'ai toujours aimé écrire depuis vraiment que je faisais mes premières rédactions au collège. Hein. Ouais. Et je me suis dit un jour j'écrirai un livre, c'était un petit peu mon rêve de gosse. Donc c'était pas quelque chose en tout cas qui devait être programmé, mais en tous les cas, voilà, je suis parti sur la télévision il y a une dizaine d'années quand je suis sorti de l'école de journalisme, plus on va dire spécialisé sport. Et l'écriture était toujours là, j'avais besoin quand même d'écrire des choses, alors j'étais jamais content, je mettais tout à la poubelle en général, et puis j'avais pas vraiment le thème qui me passionnait. Et un jour, voilà, justement à la télévision, lorsque je faisais une interview d'un écrivain qui s'appelle Olivier Larizza, et qui fait partie donc des éditions Anderson, j'ai fait sa rencontre, on a vraiment sympathisé, et c'est lui qui m'a donné l'envie de me lancer dans un projet. Alors ce projet, c'était pas le Ventoux, puisque le premier c'était sur Roger Federer et sur ma passion complètement démesurée pour ce joueur. Et c'est parti comme ça, ça a duré un an et demi, j'ai eu du mal à trouver les bons mots, parce qu'il fallait trouver aussi son propre style, c'était compliqué. Et puis j'ai réussi à concrétiser ce projet, et puis derrière le Mont Ventoux est arrivé. C'est super chouette, c'est une belle expérience. J'ai réalisé un rêve de gosse, on peut le dire. C'est chouette, c'est super chouette. On va faire une petite coupure musicale avec MC Solar et on se retrouve juste après. Caprice de lecture sur Fadjet. Thank you.

Alors, troisième question. Arnaud, tu es donc édité chez les éditions Andersen. Mmh. Comment s'est passée votre rencontre? Comment ça se passe quand on a écrit quelque chose, qu'on a envie d'être édité? Comment tu as pu concrétiser ce projet avec eux? Bah, comme je vous le disais un petit peu tout à l'heure, effectivement, j'ai rencontré avant tout Olivier Larizza, ouais. Qui est écrivain, qui a déjà sorti une multitude de livres, lui, mm-hmm. depuis plusieurs années maintenant, qui est fan de sport comme moi. Et bon. C'est vrai qu'on a beaucoup sympathisé après cette rencontre, parce que je l'avais interviewé, hein, je faisais de la télévision à l'époque. Ouais. Et on avait bien sympathisé, et puis on a échangé. Et je lui parlais de cette envie d'écrire qui était en moi depuis tout petit, mais que j'arrivais jamais à concrétiser. Et puis, il m'a soufflé une piste, c'est-à-dire bah, pourquoi tu n'as jamais essayé d'écrire sur Roger Federer? Parce que Roger Federer, c'est... mon idole depuis 20 ans. Voilà. Le monstre sacré. Ouais. Donc je voulais pas. En fait, le problème, c'est que moi, je voulais pas refaire une biographie comme il en existe déjà ouais, des autres. Plein. Et puis je le ferais moins bien que les autres, c'est sûr. Donc j'ai trouvé cette petite manière de m'y prendre en racontant un peu de manière subjective, hein, totalement subjective, en fait, mon histoire et celle de Federer. C'est-à-dire comment moi je perçois Roger Federer. Alors c'est du second degré évidemment, ouais. Mais comment il influence quelque part ma vie. De manière plus ou moins humoristique, avec un peu de recul quand même, sinon d'accord. ça serait un peu triste. mais voilà, c'était de cette manière-là que je voulais raconter cette aventure, et Olivier m'a vraiment lancé là-dedans, donc il m'a dit, vas-y, écris, et puis quand t'as terminé, bah, tu m'envoies ce que t'as fait, et puis on verra bien. T'es senti peut-être un peu plus à l'aise, parce qu'on te dit, mais vas-y, lance-toi, et ouais, puis... Ouais, il fallait quelqu'un qui me lance, ouais, quoi. Et tu il te a joué sens moins rôle. Brimé, et puis peut-être que quelquefois, quand on se lance, on a tendance peut-être à s'auto-censurer, ou à être trop exigeant envers soi-même, alors et pas c'est se sentir compliqué. Légitime aussi, quoi, parce que ouais. c'est vrai que moi, c'était ma première vraie expérience. Mais vous êtes nombreux en auteurs, j'ai reçu pas mal d'auteurs ici, même de jeunes auteurs, alors pas forcément en âge, hein, mais en expérience, et beaucoup me disent, mais non, en fait, moi, je me sentais pas légitime, et en fait, vous avez un talent quelque part, parce que vous êtes. Ouais, je sais pas, mais en tout cas. Voilà, vous êtes commencé à être connu. Enfin, toi, par exemple, tu es préfacé par Bernard Thévenet. Enfin, je veux dire, c'est la référence, enfin, une des grandes références. C'est un grand cycliste. Voilà, donc ouais. Je me dis, est-ce que Bernard Thévenet aurait préfacé un truc qui valait pas le détour? Bah non, enfin moi je pense pas. Je sais pas, mais enfin, en tout cas c'est vrai que. Mais vous avez ce sentiment toujours de. C'est marrant. Bah, j'ai pas beaucoup marrant. D'expérience encore à la matière, donc ouais. C'est mon deuxième livre. Hein, donc, mais c'est chouette, enfin, voilà, c'est chouette de pouvoir écrire comme ça et de. Ouais, ouais, en tout cas c'est un vrai plaisir. Alors c'est pas simple, hein, parce qu'il est presque aussi dur finalement à écrire le Mont Ventoux qu'à monter en vélo. Hein. C'est un combat avec chaque mot. Ah ouais, hein. Et quand on voit comment tu en parles, tu. Donc en vélo, c'est compliqué. À l'écrire aussi plus que ouais. ce que j'avais pensé, puisque. Ouais. Moi, je raconte que cette idée, elle est née d'un échange avec mon beau-frère il y a oui. quelques années autour d'une bière. Exact. Avec moi, ça commence souvent comme ça. Voilà. Mais avec modération, bien sûr. Mais, et puis derrière, voilà, ça s'est concrétisé. Ce projet a mis longtemps à mûrir. Et oui. puis, je l'ai écrit en quelques mois, au moment où il y a eu le petit tilt qui a fait que... Bah, c'est super. Bah, c'était le moment. 2019, voilà. C'était le moment. OK. Alors, dans ce livre, tu fais aussi une très belle référence. Moi, ça m'a beaucoup marqué à Marthe Hess. Oui. Donc, qui était la première femme, tu m'arrêtes si je me trompe, à avoir... gravi le Mont Ventoux en vélo, fin 19e siècle, c'est ça ? 1903 exactement. 1903, ouais, donc 20e. Tout début 20e, avec donc tout l'habillement de l'époque, mmh. les femmes, hein, pas du tout comme aujourd'hui, et un vélo apparemment très lourd, beaucoup plus lourd que ceux ah bah, d'aujourd'hui. Oui. C'est plus les vélos d'aujourd'hui. Hein. Alors moi je suis déjà ravie qu'il y ait la référence, une référence à une femme de l'époque qui était un peu peut-être avant-gardiste hein, dans ce pour elle, parce que voilà. Et est-ce que ça te tenait à cœur de faire cette référence ou est-ce que c'est tombé pour toi dans la construction du roman, tu vois, en se disant, ben, ce serait bien aussi, il n'y a pas que nous qui le faisons, il n'y a pas que les grands champions masculins qui le font, il y a eu aussi une femme exactement. Avant-gardiste. L'objectif du livre, ce n'était pas de raconter ce qui s'est passé, notamment sur le Tour de France ouais. depuis 1951 et la première ascension du Mont Ventoux sur ouais. le Tour. C'était vraiment d'aller chercher aussi des histoires qui sont moins connues. Mm-hmm. Et celle de Marthe Hess, elle est assez exceptionnelle, parce que quand même, en 1902, il faut savoir qu'elle avait quand même déjà monté le Tourmalet et que c'était lors voilà, d'une grande sortie qu'ils organisaient à l'époque avec Veloccio, notamment le père du cyclotourisme. Okay. Et qu'elle avait été, sur les 30 et quelques cyclotouristes qui s'étaient lancés à l'assaut du Tourmalet en 1902, la seule... bah, elle était déjà la seule femme au départ, mais ils étaient que 4 sur 33 à avoir monté le Tourmalet sans mettre pied à terre, elle en faisait partie. Donc c'était déjà une pionnière, je l'appelle ouais. la pionnière en robe longue, hein, parce qu'elle avait une robe oui, pour monter plus. Le Ventoux, il faut oui. le savoir. Et le Ventoux, il n'y avait pas de bitume à l'époque non plus, évidemment. Donc en 1903, elle se lance après le Tourmalet à l'assaut du Mont Ventoux, et elle le monte, alors les spécialistes apprécieront quand même, pour l'époque, avec le vélo qu'elle avait, en 3h30 minutes. Et elle le monte, elle a réussi donc à le monter sans poser pied à terre, effectivement, avec un vélo, donc, comme vous le disiez, de plus de 20 kilos, et puis un accoutrement qui n'était pas forcément oui, avec la très longue, adapté voilà, aux le circonstances. Jupon, le truc. Mais en fait, il y a très très peu d'informations sur elle, il en reste vraiment très très peu. Mais c'est dommage. J'ai fait beaucoup de recherches ouais. là-dessus, j'ai été sollicité des associations, etc. Et en fait, voilà, il y a une affiche qui la représente, qui est dans le livre d'ailleurs, oui. c'était sur le Tourmalet, justement.

recettes qui vous valent à coup sûr les honneurs des gazettes. J'aime mieux m'en tenir à ma première façon et me gratter le ventre en chantant des chansons. Si le public en veut, je les sors d'art. S'il n'en veut pas, je les remets dans ma guitare, refusant d'acquitter la rançon de la gloire. Sur mon brin de laurier, je m'endors comme un loir. Trompette de la renommée, vous êtes bien mal embouché. Caprice de lecture sur Fadjet. De retour dans cette dernière partie d'émission, toujours avec Arnaud Cael. Alors Arnaud, quels sont tes projets pour la suite ? Alors en termes d'écriture, pour l'instant, je me suis lancé dans absolument rien, je me repose. Ok, ouais. Et puis bah voilà, je parle aussi, il y a tout le travail aussi pour parler de ce livre-là, de ce travail-là. Et puis en termes, alors je suis aussi, donc je le disais tout à l'heure, journaliste et je suis spécialisé notamment maintenant depuis quelques années dans la réalisation de documentaires pour la télévision et dans le sport toujours, hein, ça reste à l'ordre du jour. C'est étonnant, non je plaisante. C'est pas une grande surprise, non. Et là je viens d'en terminer un justement qu'on a sorti en mars, que j'ai co-réalisé avec un collègue qui s'appelle Patrick Muller, qui s'appelle Toujours Debout en fait, et qui raconte l'histoire d'un sportif, un double champion paralympique, qui a donc une médaille d'or dernièrement, notamment à Tokyo, et c'est tout son parcours de vie, puisqu'il est aujourd'hui tétraplégique, et on raconte aujourd'hui comment ce sportif de haut niveau s'est exprimé avec cette tétraplégie-là, donc il souffre depuis l'âge de 15 ans maintenant. D'accord. Et voilà, c'est un vrai documentaire porté sur l'humain, en tous les cas, c'est vraiment un peu c'est un peu mon axe, c'est-à-dire que moi, mais au-delà du sport, moi j'aime bien raconter des histoires qui touchent vraiment... Et puis des valeurs, au-delà de l'image médiatique peut-être aussi. Ouais, des valeurs, tout à fait, effectivement. Et puis des personnages aussi, on parlait de Martès tout à l'heure, qu'on essaie de mettre en lumière et de raconter avec notre propre regard aussi. Donc voilà, il n'y a pas pour l'instant de vrai projet là, pour l'instant, qui est lancé de mon côté, mais je pense que le prochain, ça sera un documentaire télé. Le livre, on va attendre un ou deux ans, je pense. Bon, alors tu fais le tour un peu des salons, ça se passe comment pour présenter ton livre? Ça s'est notamment à Metz très bien passé. Oui. Il y avait le salon du livre de Metz il y a donc 2-3 semaines. Ouais, c'est ça. En tout cas, c'était en avril. Oui. Et ça s'est très bien passé, puisque j'ai vendu tous mes exemplaires du Mont Ventoux. Et puis voilà, il y a eu beaucoup de rencontres aussi, d'échanges. Et puis de rencontres aussi avec le public, mais aussi avec des auteurs. Ah, c'est bien. Et j'ai trouvé ça génial, super ambiance. Ouais, c'est super enrichissant. Ça se passe très bien pour l'instant. Tu fais un passage au Libre sur la place ou pas? Je sais pas encore. Tu sais pas encore? Je sais pas encore. On verra. Tu nous diras. J'aimerais bien. Est-ce que tu peux nous parler du caprice de la semaine? Est-ce que tu as un livre? Alors, là, j'ai une pile de livres qui m'attend. Ouais. Donc, j'ai beaucoup de livres de sport, hein, mais j'aime aussi les livres d'histoire. C'est très étonnant aussi. Je comprends pas. Il y en a quelques-uns qui attendent, effectivement. Donc là, je suis sur un roman en ce moment, notamment donc, un roman de Fabien Morin, qui est un de mes amis, qui est écrivain et qui donc, vient de sortir son dernier roman. Ok. Et puis, donc, en termes de sport, je suis aussi sur ce qu'on appelle un MOOC. Donc, c'est un... c'est entre le livre et le magazine, et c'est des récits donc, qui s'appellent Court Circuit. C'est un MOOC messin qui parle de la ville de Metz et de plein de thématiques, et notamment celui que j'ai lu en ce moment, c'est sur le sport. Et c'est très bien, donc je le conseille. Et c'est disponible sur Internet. Et puis, voilà, je fais un peu de promo. C'est très bien. Notre émission s'achève. Merci beaucoup Arnaud, encore une fois, d'avoir accepté cette invitation. J'étais ravie. Donc je rappelle ton livre, Mont Ventoux, préfacé par Bernard Thévenet, aux éditions Anderson. Vous retrouverez la chronique de ce livre sur www.capriselecture.fr et ton interview sur fadjet.net. À très bientôt. Merci, au revoir. Caprice de lecture sur Fadjet.